macadam des pleurs de nos rêves infantiles. Sans souci de la ville, des opinions imbéciles. Des hélices de tes hanches, des esquisses sur la rive, que j'enlève ce qu'il y a je délaisse ton corps j'idolâtre la mort le contraire des fois. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Macadam, macadam, des pleurs d'eau.